L'espagnol avec Michel Thomas, méthode pour débutants. Copyright 2007, Chambers Harrap Publishers Limited, CD numéro 1. Vous allez faire l'expérience d'une approche radicalement neuve et différente de l'apprentissage en général et de l'apprentissage des langues en particulier. Une approche qui va vous donner la possibilité, en un temps record, de vous exprimer en espagnol. C'est possible. Et vous y parviendrez sans effort de mémorisation, sans rien à apprendre par cœur. Sans exercice, sans manuel, sans prise de notes, sans devoir. Il est très important de vous souvenir de cela, afin de pouvoir vous détendre et vous débarrasser de l'appréhension souvent associée à l'apprentissage, et particulièrement à l'apprentissage des langues. Car toute appréhension, toute tension, est un obstacle à un apprentissage véritablement efficace. Avant de commencer, deux règles de base très importantes. La première est de ne jamais vous soucier de vous souvenir de ce que vous avez écouté, et donc de ne jamais essayer de vous le remémorer. Car, avec notre méthode, la mémorisation se fait naturellement, au fur et à mesure de l'apprentissage. Il n'y a donc pas de devoir à faire et il est très important de ne pas réviser ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris sera absorbé et intériorisé naturellement et vous n'oublierez pas les connaissances que vous aurez acquises. Maintenant, j'en arrive à la deuxième règle de base, qui est aussi très importante. Dans cette méthode, j'ai recours à deux étudiants afin de créer une situation d'apprentissage à trois. Très rapidement, vous vous associerez à eux et vous deviendrez les troisièmes étudiants du groupe. Après avoir introduit un concept, je vous donnerai l'occasion de le mettre en pratique en vous montrant comment formuler et exprimer vos pensées dans des phrases. Ce seront d'abord des phrases courtes, puis des phrases de plus en plus longues et complexes. Et à chaque fois que je demanderai « Comment dites-vous ça ?», à ce moment-là, il est capital, j'insiste, capital pour vous, d'utiliser le bouton pause de votre appareil pour vous donner le temps de penser, de bien réfléchir et de donner la réponse à voix haute. Au début de l'enregistrement, la pause est intégrée et indiquée par un signal sonore. Par la suite, vous n'entendrez plus de signal sonore. Ce sera donc à vous d'utiliser le bouton pause. Une fois que vous aurez répondu, vous pourrez relâcher le bouton pause. Vous attendrez alors l'un des deux étudiants donner la réponse. Et, après cela, je vous répéterai la réponse correcte, afin que la dernière impression vienne toujours de moi. Vous aurez ainsi le sentiment de progresser et d'apprendre constamment. Et vous trouverez ça à la fois motivant et gratifiant. Dans cette méthode, vous allez entendre l'espagnol standard, la langue espagnole standard, dans laquelle, par exemple, le C devant E ou I se prononce F. Par exemple, Barcelona. Voilà, hein, c'est comme ça que vous le prononceriez en espagnol standard. Mais, dans certaines régions d'Espagne, ainsi que dans toute l'Amérique latine, on prononcera Barcelona, comme un S. Donc, encore une fois, le C devant E ou I, mais aussi le Z devant n'importe quelle voyelle, sera prononcé F. Pour dire « vous avez raison », eh bien, le mot pour « raison » en espagnol s'écrit R-A-Z-O-N, qu'on prononce « razón » en espagnol standard et « razón » dans certaines régions d'Espagne et en Amérique latine. Il s'agit d'une différence importante dans la prononciation. Donc, vous avez raison en espagnol standard se dit tiene razón. Et dans certaines régions d'Espagne et en Amérique latine, tiene razón. De la même manière, le mot pour cœur s'écrit C-O-R-A-Z-O-N, qu'on prononce corazón en espagnol standard et corazón dans certaines régions d'Espagne et en Amérique latine. Pour commencer, quelques mots au sujet de la langue espagnole en relation avec la langue française. Pour vous montrer comment apprendre une langue qui n'est pas si différente que ça du français. Il y a en effet, entre le français et l'espagnol, une large base commune qui vous sera familière. À tel point qu'une très grande partie de su vocabulario francés, de votre vocabulaire français, présente des similitudes avec l'espagnol. Et para comenzar, pour commencer, je vais vous donner quelques astuces pour vous montrer comment vous pouvez immédiatement, transformer su vocabulario francés, votre vocabulaire français, en espagnol. Et parvenir ainsi à acquérir une base de départ de vocabulario de plus de 2000 mots, ce qui n'est pas mal pour un début. Surtout si vous considérez combien est limité le vocabulario que nous employons dans la langue active. Notre vocabulaire actif est très limité, et ce, dans la plupart des langues. Il peut osciller entre 500 et 1500 mots. Voilà tout ce qu'on utilise dans n'importe quelle langue. Je me souviens que dans l'un des principaux journaux de New York, il y a quelques années de cela, ils avaient essayé d'estimer le nombre de mots employés dans l'ensemble du journal, un journal épais. Et ils étaient arrivés au nombre de 600 mots.